Il y a 3500 ans, une horloge jamais révisée, nous pouvons déterminer le temps compris les lacs pour recueillir les boues charriées par la fonte des glaciers, les fleuves pour former leur delta, les cascades pour creuser leur lit dans les roches, les nappes d'eau stagnantes pour accumuler leur sel. Nous savons d'après l'état de leurs coquillages, combien de temps s'est écoulé depuis que certaines plages se sont surélevées et nous calculons, grâce à leur taux d'érosion, l'âge des roches volcaniques. En comptant les couches d'argile et de base, nous obtenons le nombre d'années nécessaires à la formation des dépôts. En examinant les anneaux annuels de vieux troncs d'arbres, nous savons quand ont eu lieu les changements climatiques, qui se sont reflétés dans leur croissance. Les restes d'espèces animales disparues ou existant encore, leur apparence, leur place sur l'échelle de l'évolution, leur état de fossilisation, nous aident à les situer dans une période géologique. Le radiocarbone des matières organiques nous permet de savoir à quand remonte la mort d'un végétal ou d'un animal, et le fluor des os nous donne l'époque de son enfouissement. Enfin, en étudiant les objets façonnés et les couches archéologiques, nous pouvons dater les restes d'humains et d'animaux, et même la comparaison des pollens mêlés aux ossements et aux outils de pierre polie, nous permet de dresser une chronologie des variations climatiques. Ce ne sont pas les seules façons de compter le temps, on peut mesurer la quantité des sédiments sur les fonds océaniques, déterminer le taux de salinité des océans, et le comparer avec l'apport de sel continental, ou encore analyser la composition des roches pour connaître la proportion de plomb qui résulte de la décomposition de leurs éléments radioactifs. Mais ces moyens, notamment les deux derniers, sont utilisés pour compter le temps en millions d'années, ils ne permettent pas de compter en dizaines de millénaires, et encore moins en millénaires. Parmi les méthodes employées pour déterminer le temps de fonte de la couverture glaciaire, on a jugé que celle de Gedeger était suffisamment précise. Elle consiste à compter les couches annuelles de vases d'argile, ou varves, grossières en été et fines en hiver, qui pendant la période glaciaire, se sont déposées au fond des cours d'eau et des lacs gelés en surface de la côte suédoise. Gedeger calcula qu'il a fallu environ 5000 années pour que fonde la calotte glaciaire située entre Chonan, à l'extrême sud de la Suède, et les montagnes du nord, où subsistent encore des glaciers. On ne trouve nulle part 5000 couches de ce genre, mais Gedeger cherche à des séries de varves similaires, présentant le même dessin, persuadé que les séries situées à un étage élevé dans un lac au sud se répéteraient à un étage plus bas dans un lac plus au nord. Il procéda ainsi, de lac en lac, après 2500 examens. Mais pour dater la fin de l'époque glaciaire, Gedeger dut recourir à des hypothèses. Il avança le chiffre de 4000 années au sujet du temps de fonte de la glace entre Leipzig et le sud de la Suède, zone où on ne trouve pas de varves. Ce qui nous fait déjà 9000 années de fonte. Qui plus est, il supposa que c'est au début du néolithique, qu'il situait en 3000 avenues. J.C., que la calotte glaciaire, avait définitivement disparu. Il aboutit ainsi à ce résultat, la glace avait commencé à fondre en 12000 avenues. J.C. La région de Stockholm serait, donc totalement libérée des glaces depuis environ 10000 ans. D'autres scientifiques interprétèrent à leur façon les relevés effectués par Gedeger. Pour eux, ils indiquaient que la couverture glaciaire avait commencé à fondre il y a 25000 ou même 40000 ans. La méthode fut appliquée à l'Amérique du Nord et donna les chiffres que les explorateurs attendaient, à savoir entre 35000 et 40.0, d'immenses étendues sans la moindre varve, furent délibérément comprises dans cette évaluation. Gedeger étendit ses calculs, basés sur le synchronisme des varves, à des pays aussi éloignés de la Suède que les uns des autres, en Asie centrale et Amérique du Sud. On lui objecta qu'une phase de sécheresse en Scandinavie n'avait pas forcément coïncidé avec une période sèche dans l'Himalaya ou les Andes. Par conséquent, sa téléchronologie était basée sur une hypothèse erronée. Malgré cela, elle fut utilisée en Europe du Nord et en Amérique du Nord, et considérée comme une horloge des temps géologiques très fiable. Résumer le décompte des varves d'un lac desséché à un autre lac est une opération délicate, où les opinions subjectives remplacent souvent les méthodes objectives. Quant aux estimations au sujet des espaces sans varves, elles sont particulièrement arbitraires. En 1947, un procédé des plus ingénieux pour savoir depuis quand un organisme est mort, fut mis au point par W.F. Libby de l'Université de Chicago. Cette nouvelle méthode de datation repose sur le fait que les rayons cosmiques traversant l'atmosphère séparent les atomes d'azote en hydrogène, H, et en radiocarbone, C14, ou carbone comportant deux électrons supplémentaires, donc un stable radioactif. Le radiocarbone entre dans la composition de l'air, il est absorbé par les plantes sous forme de gaz carbonique, de fait, il pénètre ainsi dans l'organisme des animaux végétariens, et en fin de course, dans celui des carnivores. Toutes les cellules animales et végétales vivantes en contiennent à peu près la même quantité, une fois mortes, elles n'en assimilent plus et le radiocarbone qui subsiste se décompose, comme toute substance radioactive, au bout de 5568 années, il a diminué de moitié, passé à nouveau 5568 années, il a encore diminué de moitié, et il n'en reste que le quart de la quantité initiale. On brûle l'échantillon à analyser, morceau de bois ou de peau, la teneur en radiocarbone des gaz de sa combustion, est mesurée avec un compteur GG. Le résultat est paraît-il exact pour les matières organiques âgées de 1000 à 20 000 ans, les os et les coquillages ne s'y prêtent pas, parce que le carbone organique disparaît facilement au cours de leur fossilisation, et qu'il est remplacé par celui des eaux de ruissellement et par des sels minéraux. Grâce à cette technique, le premier résultat obtenu en matière de chronologie glaciaire, fut que la fin de la période glaciaire s'est trouvée fortement décalée, loin de se retirer il y a quelques 30 000 ans, la glace aurait continué à avancer, et se serait arrêtée il y a 10 000 ou 11 000 ans. Ce résultat est en nette contradiction avec les chiffres obtenus par la méthode des varves en Amérique du Nord, mais cette forte réduction n'est pas définitive. Selon le professeur Frederick Johnson, président de la commission de sélection des échantillons à étudier, l'analyse au radiocarbone révèle des exceptions difficiles à éclaircir. Dans de nombreux cas, la réduction des temps escomptés était si grande que, comme seul recours, Libby envisagea la possibilité d'une contamination par le radiocarbone, mais dans beaucoup d'autres cas, la raison de ces différences ne peut pas être expliquée. D'une façon générale, les mesures indiquent que le déroulement des événements géologiques a été plus rapide qu'on ne l'avait antérieurement supposé. Suez, du service géologique des États-Unis, a récemment signalé que du bois, qui était à la base d'une interstratification de marne bleue, de tourbées de détritus charriers, ayant été daté de la dernière glaciation du Wisconsin, n'avait en fait que de 3300 années, d'après l'analyse au radiocarbone, avec une erreur possible de 200 ans en plus ou en moins, c'est-à-dire qu'il remontait seulement au milieu du deuxième millénaire avant notre ère. Plus récemment encore, on a constaté qu'une avance glaciaire s'est produite dans les montagnes de l'ouest des États-Unis, il y a environ 3000 ans. En fait, il existe déjà toute une accumulation de résultats analogues, et qui ne cadrent pas avec la thèse admise, et cela même en considérant que la période glaciaire a pris fin il y a 10 000 ans. Le professeur Johnson déclare, « Pour le moment, nous ne sommes pas en mesure de prouver si les dates valides, les non-valides ou les idées présentes sont en erreur. » Il ajoute, « Tant que le nombre des mesures opérées ne suffira à expliquer les contradictions soulevées par d'autres enseignements apparemment dignes de foi, il faudra continuer à rassembler toutes les données disponibles avant d'émettre des jugements de validité. » Dans le même esprit, je présente plus loin un examen des résultats obtenus par d'autres procédés, particulièrement en ce qui concerne la datation de la dernière glaciation. Libby reconnaît que l'exactitude de sa méthode dépend de deux suppositions. 1. Pour les derniers 20 000 ou 30 000 ans, la quantité des radiations cosmiques traversant notre atmosphère a été constante. 2. Pendant la même période, le volume d'eau des océans n'a pas changé. W. Ufam, de Glacial Lake Agassiz, 1895, page 240. Dans le domaine de l'archéologie, les analyses au radiocarbone 14 confirmeront, je pense, que la période de la 18e dynastie égyptienne doit être réduite de 500 à 600 ans, et que celles des 19e et 20e doivent l'être d'au moins 700 ans, comme je le soutiens avec Agin Kao, note JDL. Paru sous le titre Le désordre des siècles, édition Le Jardin des Livres, juin 2005. En fait, une petite partie seulement du radiocarbone créé par ces radiations est assimilée par les plantes et les animaux, c'est-à-dire par ce que l'on appelle la biosphère, une quantité infime entre dans la composition de l'air, l'eau des océans absorbe tout le reste. Libby insiste sur l'importance de ces facteurs. Il s'ensuit que, si des catastrophes se sont produites autrefois, dans l'espace intersidéral, les rayonnements cosmiques ont pu atteindre la Terre avec une intensité variable. J'ai l'intention de montrer dans un prochain ouvrage que le niveau des océans et leur teneur en sel ont notablement augmenté au cours d'un âge géologique récent. Compte tenu de ces réserves, j'attends avec confiance que, dans le domaine de la géologie, le nombre croissant des résultats par radiocarbone difficiles à éclaircir mène à une totale révision des dates des périodes glaciaires. Le lac glaciaire Agassiz, le plus grand lac glaciaire de l'Amérique du Nord, Agassiz, couvrait autrefois la région maintenant occupée par les lacs Winnipeg et Manitoba, par des lacs du Canada et par des parties des États centraux du Nord des USA. Il était à lui seul plus grand que les cinq grands lacs tributaires du Saint-Laurent. L'étude de ces sédiments montre qu'il a existé pendant à peine 1000 ans, laps de temps extrêmement court. Elle indique aussi que la couverture glaciaire, qui lui avait donné naissance, avait disparu au cours d'événements catastrophiques. Le glaciologue américain Warren Ufam avoue que la brièveté de l'existence des lacs, formés par la fonte de la couverture glaciaire, prouve la soudaineté de la fonte, soudaineté géologique dont il est presque aussi difficile de déterminer les causes et les conditions climatiques que d'expliquer les changements qui avaient conduit de conditions douces et chaudes à une condition prolongée de froid et où la glace s'en accumulait. Point. Non seulement ce lac n'a vécu que quelques centaines d'années, non seulement la fonte de la couverture glaciaire a été rapide, mais cette fonte a dû se produire récemment. En effet, l'érosion de ses rives montre qu'il existait encore il n'y a pas très longtemps. UFAM a également reconnu que son littoral n'est pas horizontal et donc que son basculement s'est produit, lui aussi, à une époque récente. Bien que l'étude d'UFAM remonte à 1895, ses conclusions n'ont jamais été infirmées. Il écrivait aussi, un autre indice prouve que très peu de temps nous sépare de la fonte finale de la couche glaciaire en Amérique britannique, c'est le merveilleux et parfait état de conservation de la striation glaciaire et du poli des roches les plus dures. Il semble impossible que les roches soumises au climat rigoureux de ces régions nordiques aient aussi bien résisté à l'érosion plus de quelques milliers d'années. Il insista sur ces durées étonnamment brèves comparées à la véritable histoire humaine ou au long passé géologique. Comment s'est formé le lac Agassiz? Comment a-t-il disparu? Tout ce qui le concerne est énigmatique, mais il est clair qu'il y a quelques milliers d'années à peine, des conditions catastrophiques présidèrent à sa naissance et à sa fin. Les chutes du Niagara. Lorsque Liel visita les chutes du Niagara pendant son voyage aux États-Unis, un des riverains lui dit qu'elles reculaient de 90 cm chaque année. Et il estima ceci en se disant que les gens exagéraient toujours un peu, depuis que les chutes ont commencé leur travail d'érosion, donc depuis l'époque où la région a été libérée de sa couverture glaciaire, il a fallu plus de 35 000 ans pour creuser leur gorge, en l'occurrence comprise entre Kingston et le des chutes au moment de son voyage. Et voilà, ces 35 000 ans ont été souvent repris dans les manuels, comme représentant le temps écoulé depuis la fin de la période glaciaire. Et on ne modifia pas d'un pouce cette évaluation quand une étude des archives et registres anciens fit savoir que depuis 1764, les chutes avaient reculé d'1,5 m par an et que de ce fait, 7000 ans auraient suffi pour creuser la gorge, avec un processus d'usure de la roche constant. Mais c'était ne pas prendre en compte un autre phénomène, dès l'instant où le manteau glaciaire a commencé de fondre, un torrent s'est mis à charrier des détritus abrasifs, et l'érosion a dû être bien plus rapide au début. Il avait sans doute fallu moins de 7000 ans. Selon G.F. Wright, le chiffre de 5000 ans serait une évaluation plus réaliste. L'érosion et les sédiments des bords du lac Michigan montrent aussi qu'il s'est écoulé quelques millénaires, et non pas des dizaines depuis le début du processus. En 1920, lors de forages pratiqués pour la construction d'un pont de chemin de fer, on s'aperçut que la partie médiane de la gorge contenait un dépôt spécial, couche épaisse d'argile à bloco, indiquant qu'elle avait été creusée une fois, puis comblée par divers débris, et, au cours du quaternaire, à nouveau creusée mais partiellement et par les chutes. Cette constatation ne nous aide absolument pas à fixer la durée d'érosion des chutes, elle nous complique plutôt le travail, mais elle prouve néanmoins ceci, la période post-glaciaire fut bien plus courte qu'on ne le pense généralement, même en considérant que l'effritement de la roche est de moins d'1,22 m par an, d'après les toutes dernières observations. En effet, R.F. Lin de Yale écrit, nous avons été obligés de remonter vers la partie la plus en amont du défilé, la grande gorge supérieure, dont origine glaciaire ne fait aucun doute. De nouvelles mesures faites par W.H. Bois ont montré que le recul est actuellement, pour la chute du fer à cheval, non pas d'1,5 m, mais plutôt d'1,16 m par an. Gay pourquoi l'ancienneté de la grande gorge supérieure est évaluée à un peu plus de 4,0 ans, et encore, pour obtenir ce petit chiffre, il a fallu supposer que la vitesse de recul n'ait pas changé, bien que nous sachions que le débit a dû considérablement varier pendant les temps post-glacture. En tenant compte, comme il se doit, de ce dernier facteur, l'âge de la grande gorge supérieure du Niagara se situerait entre 2500 et 3500 ans. La glace s'est donc retirée pendant l'époque historique, à une date comprise entre 1500 et 500 avant notre ère. Le glacier du Ronon détermine l'âge d'un glacier en mesurant les débris de roches qu'il abandonne en fondant. Le géologue suisse Albert M. estime à 16 000 ans celui de la Murta, rivière glaciaire qui se jette dans le lac des Quatre Cantons, à côté de la ville suisse de Lucerne. Un de ses compatriotes, géologue aussi, F.A. Forel, entreprit d'évaluer le volume de boue et de débris de roches déversés par le glacier du Rhône au fond du lac Léman. Il aboutit au chiffre approximatif de 12 000 ans, temps nécessaire au déversement dans le lac étang, qui nous sépare du plus fort de la dernière glaciation. En fait, ces estimations étaient très inférieures à ce qu'on attendait. Le résultat de ces recherches montre la courte durée de la période post-glaciaire, et même la courte durée de la période glaciaire, si l'origine du lac Léman est plus ancienne, l'ère que période glaciaire. L'éminent géologue français à Cochon de l'Apparent, contemporain d'Aimé de Forel, est parvenu à une conclusion encore plus étonnante. Ayant pris comme base la progression moyenne de certains grands glaciers actuels, la mer de glace, pour ne citer qu'elle, avance de 50 cm par 24 heures, il calcula que le glacier du Rhône aurait mis 2475 ans pour aller du Valais jusqu'à Lyon, limite qu'il avait atteint au plus haut de sa forme. Puis, en comparant ses moraines frontales, pierres et débris de roches, à celles de glaciers actuels, il parvint à nouveau à une estimation de 2400 ans. Il finit par conclure que toute la période glaciaire avait été très courte, à quoi s'opposa Albert Pank, un autre géologue en renom. Celui-ci ne se fondait pas sur un refus de ces chiffres, mais recourait aux changements évolutifs, qui avait eu lieu pendant les intervalles entre les différentes périodes de glaciation. La divergence entre les opinions des deux scientifiques fut si grande que les centaines de millénaires, thèse de Planck, furent ramenées à quelques milliers d'années seulement par les calculs de Lapart. Planck estimait que la période glaciaire, avec quatre périodes de glaciation et trois périodes intermédiaires, avait duré 1 million d'années, chaque période devait avoir pris au moins 100 000 ans. Il se fondait sur ses réflexions. Combien de temps a-t-il fallu pour produire des changements dans la nature si nulle catastrophe ne s'est produite? Et combien en faudrait-il pour produire des changements chez les animaux avec un processus qui, de nos jours, agit si lentement qu'il est quasiment imperceptible? Carrie Schuchard, dans son livre sur l'Europe ancienne, Alte Europa, conseille à ses pairs de ne pas rester sourds à certains travaux, comme ceux de Lapart. Il leur dit, prenons par exemple la couche de tuf calcaire d'Heringsdorf, près de Weimar, dans laquelle du calcium s'est déposé pendant toute la période interglaciaire. Et supposons ensemble que les processus géologiques aient toujours été ce qu'ils sont aujourd'hui, à savoir lents. Et supposons même que, pour toutes sortes de raisons imaginables, le dépôt de calcium ait été ralenti au point d'être 10 fois plus lent qu'aujourd'hui, nous obtiendrions encore un chiffre de 3000 ans et non de 100 000. Si l'on applique le principe d'analyse quantitative, et si l'on admet que le chiffre de Lapart est à peu de choses près exact, l'avancée maximum du glacier du Rhône remonte à une date indubitablement comprise dans l'histoire humaine. Une récente investigation scientifique sur le terrain a révélé que de nombreux glaciers des Alpes n'ont pas plus de 4000 ans. Cette étonnante découverte a rendu nécessaire la déclaration suivante, la plupart des glaciers alpins actuels ne sont pas des survivants de la dernière glaciation, comme tout le monde le croyait jusqu'à présent, mais ils se sont créés aux environs des 4000 dernières années. Le Mississippi charrie plusieurs milliards de tonnes de débris de roches par an, dont une grande partie se dépose dans son delta. Dès 1861, Humphrey et Abbott calculèrent son âge grâce aux mesures des débris et des sédiments du delta. Ils obtinrent le chiffre peu élevé de 5.0 ans pour le delta, et datèrent la formation du Mississippi à environ 3000 avenues. J.C. Point. Cependant, à la toute fin de l'âge glaciaire, les eaux de fonte de la calotte dans le nord ont dû charrier via les torrents d'énormes quantités de débris de roches dans le Mississippi et dans son affluent, le Missouri. Il convient donc de réduire nettement ce chiffre, on admet que, quand la glace continentale a commencé à fondre, elle a fait déborder les grands lacs, et l'eau est passée par le Mississippi pour se déverser dans le golfe du Mexique car le Saint-Laurent était encore gelé. Les chutes de Saint-Anthony, situées sur le Mississippi et près de Minneapolis, ont creusé une longue gorge dans le sol rocheux. Entre 1870 et 1880, elles donnèrent lieu à une étude des cartes topographiques qui portait sur 200 ans. Et Nash Winchell déduisit que les chutes avaient reculé de 74 cm. Si leur vitesse de recul avait été constante, elles auraient pris naissance il y a 8000 ans environ. Mais là encore, la violence du courant a dû entraîner de nombreux débris abrasifs. Après avoir parcouru les États du Nord-Est et étudié le lac Champlain, J.D. Dana se rallia à l'idée selon laquelle des inondations prodigieuses, d'une ampleur inimaginable, avaient accompagné la fonte de la couverture glaciaire, surtout le cours inférieur du Connecticut. Le niveau dépassait de 60 mètres la marque actuelle des hautes eaux, et s'il en fut ainsi pour cette vallée. Rien ne s'oppose à ce qu'il en ait été de même pour celle du Mississippi. Par conséquent, la gorge formée par les chutes de Saint-Anthony est vraisemblablement plus récente que l'indique le calcul de Winchell, même si son chiffre a déjà été considéré comme trop bas. Le long débat sur les résultats des chutes du Niagara et de Saint-Anthony montre la nécessité de poursuivre l'enquête ailleurs, de préférence à l'embouchure d'un cours d'eau alimenté par un glacier existant et facilement observable, ce qui était le cas de la baie Arrivée, torrent se jetant dans le canal de Portland, à la frontière de l'Alaska et de la Colombie-Britannique. En 1934, Jeanson, se basant sur 3 études faites entre 1909 et 1927, calcula très précisément l'apport annuel de sédiments dans le delta, et conclut que le delta était âgé de 3600 ans seulement. Le glacier qui alimente la baie Arrivée s'était formé, et avait commencé à fondre vers 1600 avenues. J.C. Les fossiles de Floride sur le littoral atlantique de la Floride, à Vero, on a trouvé en 1915 et 1916 des restes humains mêlés à des ossements d'animaux de l'ère glaciaire. Pléistocène, la plupart de ces animaux avaient disparu, rayés de la planète comme le smilodon, tigre à dents de sabre, ou effacés de l'Amérique, comme le chameau. La découverte suscita immédiatement un vif intérêt chez les géologues et les anthropologues, il y avait là aussi un matériel archéologique des plus importants, comme des poteries, des outils en os, etc. Alex Rublica, du Smithsonian Institute de Washington et anthropologue réputé, qui, d'une façon générale, n'admettait pas l'existence de l'homme en Amérique à l'époque glaciaire, écrivit que les faits culturels avancés, prouvés par la poterie, foutillage en os et les pierres travaillées à portée de très loin, impliquent la présence d'une population nombreuse, répartie sur de vastes étendues, familiarisée avec l'usage du feu. La cuisson des aliments et toutes les techniques primitives ordinaires, les restes humains et les objets, ne pouvaient pas être d'un âge comparable à celui des restes fossilisés auxquels ils sont associés. Seulement Alès Rudica publia également les conclusions, signées de W.H. Holm, qui avait expertisé les poteries rapportées de Vero, c'était des bols semblables à ceux dont les tribus indiennes de Floride se servaient couramment, les récipients de Vero, un fois comparés de plus près à ceux de Floride, qu'on avait trouvés dans des tumulus, ne présentaient aucune différence notable de matière. D'épaisseur des parois, de fini des bords et des surfaces, de couleur, d'état de conservation, de dimension et de forme, ils sont identiques. Il semble qu'il n'y ait pas la moindre raison de penser que les poteries de Vero appartiennent à d'autres peuplades, que les tribus indiennes constructrices de tumulus en Floride, à l'époque précolombienne. Restait la question des ossements humains, avec leurs ustensiles, trouvés parmi les restes d'espèces animales disparues. L'homme qui avait fait cette découverte extraordinaire, E.H. Sellar, géologue de Floride et paléontologue compétent, écrivit lors du débat qui a suivi, « Les ossements humains sont des fossiles qu'il est normal de rencontrer dans cette couche. Ces ossements humains sont contemporains des vertébrés trouvés à côté, et cela se détermine par quatre facteurs, leur place dans la formation en question, la façon dont ils se présentent, leur promiscuité avec les ossements des animaux, leur degré de minéralisation, égal à celui des os des animaux. Il est clair pour lui que c'est la preuve que l'homme a atteint très tôt l'Amérique, et qu'il était présent sur ce continent en association avec la faune du Pléistocène période glaciaire. Mais les LPS partisans de Rudica ne partagèrent pas ce point de vue, ils prétendaient que l'homme était arrivé très tard, sur le continent américain, et la présence des poteries prouvait à leurs yeux que les ossements humains étaient récents. Les crânes, bien que fossilisés, ne différaient pas de ceux des Indiens d'Amérique actuelle. Un peu plus tard entre 1923 et 1929, et toujours en Floride, on trouva d'autres restes d'humains et d'animaux, un mélange, remarquablement riche, d'os d'animaux, dont beaucoup représentent des espèces, qui se sont éteintes à la fin du Pléistocène ou peu après. L'auteur de cette découverte, J.W. Gidley, du National Museum, établit sans équivoque possible, qu'à Melbourne comme à Vero, les ossements humains appartenaient à la même couche, et étaient dans le même état de fossilisation, que ceux des espèces animales disparues. Là encore on avait trouvé des objets façonnés, les pointes de flèches, les haleines et les épingles de Melbourne et Vero, étaient de la même technique que celles des sites indiens anciens. La somme de toutes ces considérations, et les autres d'ordre anthropologique et géologique prouvent selon Rouse, qui a récemment examiné ces fossiles de Floride, que l'homme de Vero et de Melbourne a dû vivre environ entre 2.0 et 1500 avenue. J'y sais. Mais cela ne résout pas le problème de la coexistence d'animaux disparus et de antérieurs à 2000 avenue. J'y sais. Les géologues ont raison, les restes humains et les objets façonnés de Vero et de Melbourne ont le même âge que les fossiles des espèces animales éteintes. Les anthropologues ont tout autant raison, les restes humains et les objets façonnés datent du 2e ou du 1er millénaire avant notre ère. La seule façon de sortir de ce dilemme, est d'admettre que certaines espèces animales aujourd'hui disparues, vivaient encore parmi les hommes dans un passé récent, entre 2000 et 4000 avenue. J'y sais, qu'une catastrophe, véritable paroxysme de la nature, s'est abattue sur tous, les a littéralement entassés et a annihilé de nombreuses espèces animales, et enfin que cette catastrophe, s'est produite au cours du 2e, ou du 1er millénaire avant notre ère. Les lacs du Grand Bassin et la fin de l'époque glaciaire, la chaîne de la Sierra Nevada, du nord au sud de la Californie, s'élève entre le Grand Bassin, plateau situé plus à l'est au Nevada, et l'océan Pacifique et elle s'oppose ainsi au drainage des eaux du Grand Bassin vers l'océan. Les lacs Albert et Sumé, en Oregon, au nord de la Californie, n'ont aucun débouché, ils sont les restes d'un immense lac glaciaire, le Shawokan. Les eaux salines de ces deux lacs ont été étudiées par W. Van Winkle du Service géologique des États-Unis, qui écrit, en se fondant sur leur concentration et leur superficie, sur la composition des eaux qui s'y déversent, sur le taux d'évaporation, une estimation prudente donna, ces deux lacs 4000 ans d'âge. Si cette conclusion est exacte, la période post-glaciaire ne remonte pas à plus de 4000 ans, ce qui signifie que la période glaciaire, s'est terminée vers 2000 avenue. J.C. Jones, Antefe Huntington, Quaternary Climate. Un Russell, Géologie Historiof la Clayontan, US Geographical Survey, Monographie 11, 1886. Quaternary Climate, Monographie par J. Claude Jones, Ernst Antefe Ellsworth Huntington, Carnegie Institution of Washington, 1925, page 200. Étonné des résultats qu'il avait lui-même obtenus, il se perdit en conjectures et finit par penser que les dépôts salins du Shawokan pouvaient être cachés par les sédiments des lacs Albert et Sumé. Le lac Owens, lui, est situé à l'est du mont Whitney, point culminant de la Sierra Nevada. Il est alimenté par la rivière Owen, et n'a pas non plus de débouché. À une époque lointaine, un plus grand apport d'eau le fit déborder. Après avoir analysé ses eaux et celles de la rivière, H.S. Gall conclut qu'il avait fallu 4200 ans à la rivière pour lui apporter le chlore, et 3500 ans pour l'approvisionner en sodium. Ellsworth Huntington, de Yale, trouva ces chiffres trop élevés, parce qu'il ne tenait pas compte, entre autres, de la possibilité de fortes pluies dans le passé, dilution. En conséquence, il ramena l'âge du lac à 2500 ans. Le Lahontan, autre grand lac d'autrefois, couvrait 22,0 km², situé dans le grand bassin, il n'avait pas de débouché sur la mer. Quand son niveau a baissé, il s'est divisé en plusieurs lacs séparés par des terrains désertiques. L'étude entreprise par Russell du US Geological Survey démontra qu'il ne s'était jamais complètement asséché, et que les lacs actuels Pirami, Winmuka et Walke étaient tout ce qui avait subsisté du Lahontan. Selon lui, ce lac avait existé pendant l'ère glaciaire, et connu les différents stades de glaciation. Il trouva aussi dans ses sédiments des os d'animaux de cette époque. Plus récemment, le Lahontan et ses lacs survivants furent à nouveau explorés par J. Claude Jones, et l'Institut Carnegie de Washington publia les résultats de ses recherches sous le titre de Geological History of Lahontan et Lac AF 71, en étudiant la salinité des lacs Pirami et Winmuka, et de la rivière Truckee qui les alimente. Il s'aperçut que cette dernière pouvait avoir apporté tout le chlore aux deux lacs. 3881 ans, un calcul analogue, basé sur la proportion de sodium, donne à 2447 ans. Son étude minutieuse l'incita à partager l'opinion de Russell, à savoir que le Lahontan ne s'est jamais complètement asséché. 381 Russell, US Geological Survey, monographie 11, page 143. NDT, Velikovski écrivait, ce qui signifie que la période glaciaire ne prit fin qu'il y a de 25 à 39 siècles, chiffre peu évocateur reprenant ceux de Jones, il y a 3881 et 2447 ans. Dans un souci de clarté, nous aurions pu déduire des datations en partant de l'année 1955, date de la 1E accent gravaire publication du livre de Velikovski, et de ses chiffres en siècles, ce qui donnait exactement 545 avenues. JC et 1945 avenues. JC. Mais voilà, Velikovski avait arrondi un chiffre un peu plus qu'un autre, et qui plus est il se basait sur des chiffres que Jones avait donné quelques années avant lui. Nous avons donc choisi ici de donner le créneau le plus large, celui de Jones, et qui cadre avec celui de Velikovski à quelques 25 ans près. NDT, pour que ce paragraphe soit plus compréhensible, nous avons déduit ces deux datations des données de Jones, il y a 3881 et 2447 ans. Comme aucune date de publication ou de recherche n'était donnée pour Jones, nous avons pris comme base de calcul 1911-1917. En effet, les travaux de Jones sont postérieurs à ceux de Russell, 1880-1886, de 31 ans. La datation que nous vous proposons est arrondie à la dizaine d'années la plus proche pour tomber sur un chiffre rond. Mais d'après les conclusions de Russell et les chiffres de Jones, il faudrait bien évidemment que les animaux trouvés dans les dépôts du Lahontan, des mammifères de la période glaciaire vivant sur la terre ferme, ne soient pas plus vieux que le lac, rempli vers 1970 avant JC d'après l'analyse du chlore ou vers 530 avenues. JC d'après l'analyse du sodium, autrement dit que la période post-glaciaire, est débutée juste après l'une ou l'autre de ces deux dates, ce qui signifie, vous l'aurez compris, que la période glaciaire se serait seulement terminée, pour être large, dans cet intervalle compris entre 1970 avenues, JC et 530 avenues, JC. Jones vérifia ces chiffres, les compara à des résultats obtenus grâce à d'autres méthodes depuis l'analyse de Russell qui datait de 31 ans. Chaque fois il parvenait à la même conclusion, toute l'histoire des lacs Pirami et Winmuka s'est déroulée au cours des 3000 dernières années. On a trouvé dans les sédiments du Lahontan des os de chevaux, d'éléphants et de chameaux, espèces disparues sur tout le continent américain, ainsi qu'une pointe de javelot travaillée par l'homme. Pendant des travaux de construction d'une voie ferrée à travers Astor Pass, on tomba sur une grande fosse de gravier de l'âge du lac Lahontan. J.C. Merriam, de l'Université de Californie, y découvrit des ossements, ceux du Felix atrox, une espèce de lion, ainsi que ceux d'une espèce de cheval et d'un chameau, animaux déjà rencontrés dans la fosse de Rancho La Brea. Toutes ces variétés sont maintenant éteintes, et aucun chameau ni lion ne font partie de la faune actuelle de ce continent. La similitude des animaux découverts à La Brea, et dans les dépôts du lac Lahontan, amena Merriam à déclarer qu'ils étaient contemporains. De son côté, fort de ses travaux, Jones fit savoir que ces représentants d'espèces disparues avaient vécu en Amérique du Nord pendant les temps historiques. La déclaration était inattendue, on lui objecta immédiatement que son interprétation était manifestement fausse, puisqu'elle est menée à conclure que le mastodonte et le chameau avaient survécu en Amérique du Nord dans des temps historiques I-84. C'est là un argument de principe, qui est loin de s'appuyer sur des découvertes en matière de géologie. Ou bien les animaux de la période glaciaire ont survécu, ou bien quelques vicissitudes de la période glaciaire ont eu lieu dans des temps historiques.